Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons maintenant prendre de la hauteur avec Sittel. Alors les ornithologues auront sans doute reconnu le nom de ce petit oiseau de nos forêts, mais Sittel, c'est aussi le nom d'un nouvel appareil développé par une équipe de l'Université Laval et qui va être installé au télescope Canada-France-Hawaï. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Laurent Drisson, il est professeur en astrophysique à l'Université Laval. Bonjour Monsieur Drisson. Bonjour. Alors, cet appareil, Sittel, son nom complet, en fait, c'est spectromètre imageur à transformer de Fourier pour l'étude en long et en large de raies d'émission. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Qu'est-ce qu'il va faire cet appareil? Oui, ben d'abord, pour l'acronyme, pour la petite histoire, c'est que les instruments qui sont installés au télescope Canada-France-Hawaï ont tous un acronyme, puis c'est vrai pour tous les instruments en astronomie, mais en particulier au télescope Canada-France-Hawaï, il y a une longue histoire d'acronymes de noms d'animaux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller dans cette ligne-là. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est ce qu'on appelle un spectromètre imageur. Imaginez-vous une caméra, un appareil photo, sauf qu'au lieu d'avoir uniquement une valeur d'intensité ou de couleur pour chaque pixel de l'image, on va avoir un spectre. C'est-à-dire qu'on sépare la lumière en ses différentes composantes en longueur d'onde ou en fréquence. D'accord. Et cet appareil-là, dans le fond, fournit des cubes de données dont les deux premières dimensions sont les dimensions spatiales, et la troisième dimension, c'est plutôt une dimension en fréquence, en énergie ou en longueur d'onde. D'accord, donc ça veut dire qu'on va pouvoir découper la lumière, sur chaque point, on va pouvoir découper la lumière en toutes les longueurs d'onde qu'on peut voir. C'est ça, et cet instrument-là fonctionne dans le domaine visible, c'est-à-dire les longueurs d'onde auxquelles nos yeux sont sensibles, de l'ultraviolet proche, autour de 400 nanomètres, jusqu'à l'infrarouge proche, autour de 700 à 800 nanomètres. Mais est-ce qu'il n'existe pas déjà des appareils qui font ce type d'observation, des raies d'émission? Est-ce que ça n'existe pas déjà? Il y a des appareils qui mesurent, qui obtiennent des spectres, aussi que ce soit des raies d'émission, du continu ou des raies d'absorption. Il y en existe beaucoup. Le grand avantage de Sittel par rapport à tous ceux qui existent jusqu'à maintenant, c'est la grandeur du champ de vue. Par exemple, l'instrument qui est considéré comme un des plus performants actuellement, qui est installé sur un télescope de 8 mètres à l'Observatoire européen austral, qui s'appelle MUSE, a un champ de vue qui correspond à peu près à ce qu'on appelle une minute d'arc par une minute d'arc. Le diamètre de la pleine lune étant 30 minutes d'arc. D'accord. Donc MUSE fait une par une minute d'arc et Sittel fait 11 par 11. D'accord. Donc notre champ de vue est à peu près une centaine de fois supérieur au champ de vue d'un instrument comme MUSE. Par contre, on ne fait pas des miracles. Et au lieu d'avoir accès à tout le domaine de longueur d'onde visible en même temps, on doit séparer les différents domaines de longueur d'onde avec l'utilisation de filtres. Donc, on doit le séparer en 5 ou 6 parties, par exemple. Mais malgré ça, on gagne quand même au moins un facteur 20. Donc, on voit plus large d'un seul coup. Finalement. Exactement. Pour le dire en mots simples, exactement. On voit plus large d'un seul coup. Oui. Mais qu'est-ce que ça apporte de regarder des raies d'émission, en fait, pour l'astrophysicien que vous êtes? En quoi ça vous sert pour mieux comprendre l'univers ou pour... Qu'est-ce que ça apporte à vos recherches? On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais que ce soit pour les physiciens, les astronomes, les chimistes ou même les biologistes dans certains cas, d'obtenir le spectre d'un objet, c'est-à-dire d'essayer d'extraire l'information que la lumière de cet objet émet, c'est vraiment primordial. Le spectre nous informe par exemple sur la composition chimique de l'objet, sur la densité du gaz aussi, sur la vitesse à laquelle il se déplace. Parce qu'en astronomie, ce qui est important aussi, c'est de connaître un petit peu la cinématique du gaz, par exemple dans la Voie lactée, comment est-ce que telle nébuleuse se déplace par rapport à son environnement. Ou au contraire, si jamais on veut connaître la vitesse de rotation des galaxies, par exemple, ou la vitesse à laquelle elle se déplace par rapport à nous, par effet Doppler, simplement, on peut, en mesurant la longueur d'onde qui est émise par tel ou tel élément, mesurer la vitesse à laquelle le gaz se déplace par rapport à nous. Donc, essentiellement, composition chimique, température, densité, vitesse de déplacement. Donc, c'est comme la carte d'identité, finalement. Exactement, ou l'ADN de l'objet qu'on essaye d'observer. Ouais. Et puis, parlez-moi maintenant de la conception de cet appareil, parce que bon, c'est quand même un travail d'équipe qui a commencé depuis de nombreuses années. Je crois savoir qu'au départ, il y a eu un autre appareil qui s'appelait Espion. Ce n'est pas un nom d'oiseau, celui-là. En tout cas, c'est un autre type d'oiseau. Oui. Et qui était installé à l'Observatoire du Mont Mégantic. Oui. Donc, est-ce que c'est un petit peu le préambule de Sittel? Et est-ce que ça correspondait à un besoin pour vos recherches? Oui, exactement. Donc d'abord, Le projet en tant que tel, le projet d'espion, a commencé au début des années 2000, lorsque j'ai obtenu une chaire de recherche du Canada ici à l'Université Laval. Il y a plusieurs étudiants. En fait, tout ce projet-là, le projet espion, le projet CITEL en grande partie aussi, c'est des projets d'étudiants. CITEL, espion, en particulier, c'est la thèse de doctorat de Frédéric Grandmont au début des années 2000. C'est lui qui a conçu l'appareil avec, avec des ingénieurs un petit peu de la compagnie ABB, mais c'est lui qui était le maître d'œuvre du projet. Il a fait sa thèse de doctorat sur la conception d'instruments, de A à Z. D'accord, mais est-ce que ça correspondait à un besoin dans l'équipe de recherche? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'utilisais beaucoup un des instruments qu'on appelle MOS au télescope Canada-France-Hawaii pour connaître un petit peu la composition chimique des galaxies, proches. Le problème avec l'instrument qu'on utilisait à l'époque, c'est qu'on ne pouvait percevoir qu'une très très faible portion du champ de vue d'une galaxie. Donc, on devait choisir les sections qu'on allait observer, puis globalement, on réussissait à obtenir des spectres pour à peu près 1% du champ total d'une galaxie. Pour avoir une vision globale de la galaxie, on avait besoin d'aller plus loin. D'où l'idée de construire, de concevoir un instrument comme, comme CITEL. Donc, au début, il y a Frédéric Grandmont, il y a aussi un autre étudiant, Jean-François Rochon, qui a travaillé aussi sur le projet. Jean-François Lavigne, qui a travaillé avec l'Institut national d'optique pour le design optique du système. Donc, il y a plusieurs étudiants qui ont travaillé sur la conception de l'appareil, mais aussi sur les logiciels de réduction des données. Ah oui. Parce que les données ne sont pas simples à interpréter, surtout pas simples à analyser. C'est vraiment le concept d'un instrument est assez particulier, on en parlera peut-être, mais les données brutes sont vraiment excessivement complexes à analyser, et donc il y a des étudiants qui ont travaillé sur les logiciels d'analyse. Est-ce que c'était juste des étudiants du groupe de recherche ici en astrophysique, ou parce que ça va chercher plusieurs compétences? Là, vous me parlez de... il faut analyser les données, donc il y a peut-être un logiciel derrière ça, donc il y a peut-être des informaticiens, je ne sais pas, il y a peut-être aussi des gens en optique aussi qui ont travaillé à ce projet-là. Oui, donc par exemple, on a besoin de compétences en design optique. Et ça, c'est mon collègue Simon Thibault, qui à l'époque d'Espion était à l'Institut national d'optique. Aujourd'hui, c'est mon collègue à l'université. Donc lui, des étudiants qu'on a souvent partagés, donc une co-direction de projet pour faire la conception optique. Donc les lentilles, les miroirs, ça, c'est la partie optique. La plupart des étudiants que j'ai, avec lesquels j'ai travaillé pour le projet Espion et ensuite pour CITEL sont des ingénieurs. Donc, des gens qui ont une formation pour, justement, pour concevoir des modules, des appareils assez complexes. Compétences que moi, je n'avais pas du tout. Pour la réduction des données, les logiciels informatiques, c'est des étudiants en physique ou des ingénieurs qui avaient un intérêt pour l'informatique et qui ont développé des logiciels. Mais ce ne sont pas des informaticiens. Par contre, pour le projet CITEL en tant que tel, qui est fait en grande partie chez ABB, une compagnie du centre-ville de Québec, là, c'est des gens qui ont différentes compétences, des ingénieurs, des techniciens, que ce soit en informatique, en optique, en structure, en mécanique aussi. Et plusieurs d'entre eux sont nos anciens étudiants. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est finalement des étudiants de l'université qui ont intégré cette compagnie-là, cette entreprise? En grande partie. Donc, par exemple, l'ingénieur qui a fait la majorité du projet, l'ingénieur chef du projet au début, Julie Mandard, elle, son projet de maîtrise, sous la supervision de Simon Thibault, ici, au COPL, ça a été justement son projet de maîtrise a consisté à regarder les données d'espion, regarder la structure d'espion et l'adapter à une version un petit peu de meilleure qualité pour CITEL. Est-ce que Espion donc, a été installé à l'Observatoire du Mont-Mégantic? Vous avez fait des observations avec cet appareil. Qu'est-ce que ça a livré comme résultat? Parce qu'en 10 ans, qu'il a déjà livré pas mal d'informations, d'images. Exactement. Donc d'abord, c'était des projets de maîtrise et de thèse de doctorat, donc demandes de maîtrise et thèse de doctorat, sur, par exemple, des nébuleuses galactiques, donc des objets qui appartiennent à la Voie lactée. Et je peux vous en donner deux d'entre eux, par exemple, qui sont ce qu'on appelle des restes de supernova. Lorsqu'une étoile massive explose à la fin de sa vie, elle éjecte la matière dans le milieu interstellaire. Et cette matière-là est généralement enrichie, en fait, la plupart du temps, elle est enrichie par des réactions nucléaires qui ont eu lieu durant la vie de l'étoile. Donc, cette étoile-là va éjecter dans le milieu interstellaire du fer, du silicium, de l'oxygène, de l'azote. Et on a étudié avec mon étudiant Alexandre Allary deux de ces objets-là. Un qui est relativement jeune, Cassiopée A, qui a 350 ans, Et c'est relativement jeune, oui. Et sa vitesse, la vitesse à laquelle le gaz se déplace est tellement élevée, autour de 3000 km par seconde, qu'on a été capable d'obtenir une vision tridimensionnelle de ce reste de supernova. On a déterminé aussi qu'il y avait certaines composantes qui étaient extrêmement riches en azote, d'autres extrêmement riches en soufre. Donc, on caractérisait ces explosions d'étoiles. Et le deuxième objet, vous allez voir que c'est un autre reste de supernova qui, là, est un petit peu plus vieux, 15 000 ans environ. Et là, c'est un objet qui est beaucoup plus étendu. La structure a été mélangée avec le milieu interstellaire. Et encore là, ça nous donne de l'information sur la façon dont ces éléments lourds sont transportés dans le milieu interstellaire et enrichissent les galaxies. Donc ça, c'est des exemples galactiques, des exemples relativement proches. Présentement, il y a une étudiante qui s'appelle Laurie Rousseau-Neptune qui est en train de faire une thèse de doctorat avec Carmel Robert sur des galaxies proches. Et elle, c'est un ensemble de régions de formation stellaire qu'elle étudie en même temps, donc des centaines de ces régions dans les galaxies proches, pour comprendre un petit peu comment, à très grande échelle, ce mécanisme d'enrichissement se produit au niveau des galaxies. Donc, on a observé une bonne vingtaine de galaxies déjà avec Espion, puis je dirais une bonne dizaine au moins de nébuleuses galactiques. Donc, dans le cas des restants de Nova, comme vous avez, de supernova, comme vous avez une de 350 ans, puis une autre de 15 000 ans, est-ce que ça, finalement, ça vous donne des informations sur l'histoire ou le développement, ou en tout cas la vie, la mort, des supernovas? Exactement, parce que celle de 350 ans, elle n'a pas encore eu le temps de se mélanger avec son environnement. Donc, c'est un petit peu le matériau pur avec lequel on travaille. Donc, c'est à des phases très, très précoces. Alors que celui de 15 000 ans, la matière s'est déjà mélangée avec le milieu interstellaire, mais elle agit encore avec le milieu interstellaire. Et les vitesses sont très différentes. On parlait de 3000, 4000 km par seconde pour la première. Dans le cas de la deuxième, on parle plutôt de 20 à 30, 40 km par seconde. On voit déjà qu'il y a eu un ralentissement énorme par le milieu environnant. Est-ce que ça va être des recherches du même genre qui vont pouvoir être faites avec CITEL? Bon, d'abord, CITEL, on a appris beaucoup avec Espion. Espion était un prototype, c'était le premier de son genre. On a appris beaucoup, donc CITEL est beaucoup plus performant, beaucoup plus précis. Et il va être attaché à un télescope qui est beaucoup plus grand aussi. Le télescope Canada-France-Hawaï a 3,60 m de diamètre, comparé à 1,60 m à Mégantic. La qualité d'image est meilleure aussi. Les détecteurs sont des détecteurs de nouvelle génération. Donc, on pense que, en fait, CITEL est conçu pour être 10 à 20 fois plus puissant que Espion. Maintenant, nous, on va continuer nos travaux sur le même genre de recherche dont j'ai parlé, sauf, évidemment, avec des objets qui sont plus faibles, des objets qui sont plus distants. Je sais qu'il y a des collègues ailleurs dans le monde qui vont utiliser CITEL pour, par exemple, mesurer le taux de formation d'étoiles à différentes étapes de l'univers. Donc, essayer de voir des galaxies qui sont situées à ce qu'on appelle des redshifts très importants, donc des décalages vers le rouge assez importants, et on peut mesurer avec CITEL le taux de formation d'étoiles dans ces galaxies-là. Donc, c'est le genre de projet qui peut être réalisé par d'autres, mais mon souhait le plus cher, si on veut, c'est que évidemment, notre équipe ne soit pas la seule à utiliser CITEL. Oui, c'était un peu là aussi où je voulais en venir. Finalement, CITEL va partir là bientôt, de ce que je comprends, donc à Hawaï. Qui va l'utiliser dans la communauté internationale des astrophysiciens? C'est essentiellement les astronomes du Canada, de la France, de l'Université d'Hawaï, du Brésil, de la Chine, Taïwan, qui représentent la communauté du télescope CFH. Mon défi au cours des prochains mois, des prochaines années, va être de faire de la publicité pour l'instrument, parce que c'est un instrument qui est très polyvalent, qui peut faire beaucoup de choses, qui couvre le domaine visible au complet, qui peut prendre des images, des spectres. Donc, je vois mon rôle durant les prochains mois un petit peu comme celui de quelqu'un qui fait de la publicité pour un nouveau produit. Et j'espère que le plus de gens possible vont utiliser l'instrument. Entre autres, les gens qui étudient le milieu interstellaire de la Voie lactée. J'ai remarqué au cours des 5 à 10 dernières années que la communauté des gens qui s'intéressaient au milieu interstellaire avait un petit peu délaissé le télescope Canada-France-Hawaï parce qu'il n'y avait pas d'instrument approprié pour ce genre d'études. Donc j'espère que ces gens-là, de cette partie de la communauté, vont s'approprier CITEL pour leur projet. Et pour s'approprier CITEL, ils vont avoir besoin d'un d'un accompagnement, j'imagine. Ça vient pas, on n'apprend pas tout seul comme ça à se servir. Donc ça va être un peu votre rôle de dire il existe cet appareil, mais voilà comment on l'utilise. Oui, parce que en fait les données c'est pas des données qui sont communes. Oui. Le cœur de Citel, c'est ce qu'on appelle un interféromètre. Mm-hmm. Qui est un appareil qui a été conçu par, entre autres, Michelson à la fin du 19e siècle. C'est un instrument qui est assez complexe, assez précis, et les données de base, les données brutes que vous recevez, sont constituées d'environ 4 millions d'interférogrammes, ce qui est quelque chose qui n'est pas pas évident pour la plupart des astronomes. On est habitué à travailler avec des spectres. Et pour transformer les interférogrammes en spectres, il faut donc appliquer 4 millions d'opérations mathématiques qu'on appelle les transformées de Fourier. Mm-hmm. Et là, ce n'est pas évident non plus. Mais on a un excellent logiciel de réduction de données conçu par un de mes étudiants, mm-hmm. Thomas Martin. Et donc, le rôle de notre équipe va être justement de faciliter l'utilisation de Citel. L'analyse des données aussi, ouais. À nos collègues du mm-hmm. monde entier. Mm-hmm. Est-ce que c'est une démarche assez courante, ça, qu'un groupe d'astrophysiciens développe ses propres outils de recherche? De plus en plus, je dirais. Ouais. Si je parle uniquement des astronomes au Québec, avec l'Observatoire mm-hmm. du Mont Mégantic, ouais. les premiers appareils qu'on a utilisés, c'est les appareils qu'on a achetés à l'étranger. Le ouais. spectrographe, entre autres, mm-hmm. on l'a acheté. Par contre, assez rapidement, on s'est rendu compte que les appareils qui existaient n'étaient pas... conçus pour la même exactement, optique. Exactement, conçus pour tout à fait ce qu'on voulait. Ouais. Et là, on a développé au cours des années, depuis déjà une vingtaine d'années, à l'Observatoire du Mont Mégantic, une espèce de branche de recherche, de développement mm-hmm. d'instrumentation. Ouais. Mais donc, est-ce que c'est spécifique à votre groupe de recherche ou c'est ce que font les laboratoires en général dans le monde de développer leurs propres outils? Pour l'Observatoire du Mont Mégantic, c'est vraiment une spécialité. D'accord. C'est quand même... Il y a certains groupes dans le monde qui le font, mm-hmm. mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent. D'accord. Par exemple, à Marseille, il y a un groupe de recherche mm-hmm. qui développe des instruments. Il y en a d'autres aussi en Californie, mais ce n'est pas vraiment fréquent. Ce n'est pas la majorité des astronomes qui développent leurs mm-hmm. propres instruments. Mm-hmm. Mais nous, on en est venu là justement par intérêt. Comme je le mentionnais tantôt, les instruments que j'utilisais auparavant au télescope Canada-France-Hawaii n'étaient pas conçus pour ce que je voulais mm-hmm. faire. On perdait énormément d'informations. Donc, de là l'idée de concevoir un appareil qui mm-hmm. pourrait répondre à nos besoins. Mm-hmm. Puis en même temps, ça crée une sorte de symbiose entre l'équipe de l'université et l'entreprise ABB, peut-être oui. d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises sur Québec qui participent à ce genre de développement? L'Institut national d'optique, donc oui. l'INO beaucoup. TELOPS aussi a travaillé mm-hmm. avec certains chercheurs de l'Observatoire pour concevoir d'autres appareils. Donc, oui, il y a une énorme synergie entre les compagnies qui environnent l'université mm-hmm. et l'université. D'ailleurs, mm-hmm. plusieurs de nos anciens étudiants travaillent justement dans ces compagnies-là maintenant. Donc, c'est plus de travailler avec nos anciens étudiants, nos collègues, que de travailler avec des compagnies anonymes. Et donc, concrètement, Citel prend son envol quand? On est en train de travailler sur les boîtes qui vont transporter Citel. Donc, ça devrait être dans les deux prochaines semaines, normalement. Oui, donc c'est vraiment très, très imminent. Oui, tout à fait. Alors, on va souhaiter un bon voyage à Citel, une bonne installation en haut perché sur son nid, en haut du volcan, c'est en haut du Mauna Kea, oui, à 4200 mètres d'altitude. Oui, c'est quand même assez haut. D'ailleurs, on a dû faire des tests à froid, donc tester l'appareil Citel à froid. On a fait ça ici dans les laboratoires de génie civil à l'université. Mm-hmm. Ça fait drôle un petit peu de concevoir un instrument pour Hawaï, mais d'être obligé de le tester à moins 5, moins 8, parce qu'à 4000 mètres, il fait froid. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est de l'humidité là-haut aussi? Parce qu'on imagine quand même que c'est un milieu au bon océanique, il y a quand même un climat assez humide. Ça ne perturbe pas les observations? Au sommet de la montagne, c'est excessivement sec. Ouais. Sauf quand il y a des perturbations, des ouragans, mm-hmm. des grosses perturbations, et là, le taux d'humidité monte à 100%. Mais quand il fait beau, le taux d'humidité est en bas de 20%. Donc, c'est excessivement sec les nuits où on peut observer. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Alors, on va souhaiter une bonne installation à Citel et aussi de belles observations à tous les astrophysiciens qui vont utiliser cet appareil. Je vous remercie beaucoup, M. Drissel. Merci beaucoup.